Dis comment Nyangha. Nous sommes dimanche 2 février 2025. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. La mise en place d'un plan stratégique et faire un suivi d'un plan de développement du secteur de télécommunications est primordial pour valoriser ce secteur selon Nathan Naondi, l'expert en télécommunications, après que le ministère en charge ait déploré la qualité des services offerts par les compagnies de télécommunications au Burundi. Plus de 1300 hectares ont été ravagés par le feu de brousse dans la province Makamba au cours de l'année 2024. Selon l'Office burundais pour la protection de l'environnement OBPE dans cette province du sud du pays. C'était ce samedi lors de la présentation du bilan annuel en ce qui est environnement et échange de vœux. Et la chronique nutrition de ce dimanche porte sur les jus appelés nutrition médicale qui est fabriqué à partir d'un mélange de différents fruits. Bienvenue à cette édition. Anselme Kogimana sur la maison onde, ouvrons ce journal par la page Société. Les femmes commerçantes exerçant le petit commerce en ville de Kayanza, mais qui s'approvisionnent en marchandises dans d'autres provinces du pays, disent qu'ils travaillent à perte suite à la pénurie du carburant. Ces femmes commerçantes exerçant le petit commerce en ville de Kayanza demandent au gouvernement burundais de rendre disponible le carburant. Le détail avec Patrick Sénioumf. Des femmes commerçantes exerçant le petit commerce en ville de Kayanza disent qu'aujourd'hui, à cause de la pénurie du carburant, elles éprouvent d'énormes difficultés à se déplacer dans d'autres provinces à la recherche des produits qu'elles vendent. L'exemple est celui de Judith Ndaishimiye qui vend des sacs à main dans la ville de Kayanza, des produits qu'elle achète dans la ville de Bujumbura, précise-t-elle. Elle indique que le ticket de transport Kayanza-Bujumbura aller et retour lui coûte aujourd'hui entre 50 et 60 000. Cette vendeuse des sacs à main en ville de Kayanza dit qu'elle travaille à perte à cause de la pénurie du carburant. Une autre commerçante à Kayanza qui déplore le manque du carburant et les conséquences sur son petit commerce, c'est Iterineza Aisha, vendeuse des avocats, les produits qu'elle cherche dans des provinces Ngozi Kirundo. Cette vendeuse d'avocats à Kayanza fait savoir qu'avant la pénurie du carburant avec le capital de 15 000, elle pouvait enregistrer un gain de 10 000 et déplore qu'aujourd'hui son commerce est en manque à gagner. Iterineza Aisha, cette vendeuse d'avocats en ville de Kayanza, précise d'ailleurs qu'avant la pénurie du carburant, après quelques mois de travail, le bénéfice lui permettait même de réaliser certains projets de développement, comme l'élevage du petit bétail. Les commerçantes à Kayanza exerçant le petit commerce demandent au gouvernement burundais de trouver une solution au problème de la pénurie du carburant. Signalons que les prix des tickets de transport des trajets Kayanza-Bujumbura et Kayanza-Ngozi sont revus au double ou au triple si l'on considère les prix officiels de ces mêmes trajets. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyum va pour la radio Isanganiro. De Kayanza, cap sur Rumonge, où l'administrateur communal de Rumonge appelle les habitants de cette commune à la scolarisation de leurs enfants jusqu'à l'enseignement supérieur afin que cette commune et des ressources humaines pour son développement. Cet appel est d'Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, ce samedi, dans une réunion avec les natifs et les autres résidents de cette commune. Une réunion au cours de laquelle l'éducation a pris du temps. À titre d'exemple, cette autorité communale évoquait un manque criant de médecins dans cette commune. La commune Rumonge dit être déterminée à enquêter sur la répartition des enseignants après des réclamations persistantes d'enseignants malgré l'engagement de plus de 300 enseignants bénévoles dans cette commune scolaire. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Dans cette réunion, certains participants se sont montrés inquiétés par rapport à l'avenir de la commune Rumonge avec des lauréats du poste fondamental qui préfèrent aller s'embaucher surtout dans les pays de l'Afrique australe, même s'ils ont réussi à l'examen d'État. Pour ces intervenants, il s'agit d'une situation préoccupante puisque, à cette allure, la commune Rumonge risque de se retrouver sans ressources humaines ayant fait l'enseignement supérieur et recourir dans ces conditions à d'autres communes. À titre illustratif, la commune Rumonge a cherché et en manqué parmi ses ressources humaines un médecin généraliste sans emploi à affecter à Muhuzu pour intervenir quelquefois à Rutumo et à Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, d'appeler à une prise de conscience de cette situation et à sensibiliser leurs enfants à fréquenter l'enseignement supérieur pour leur intérêt, celui de la commune et du pays. Sur la question persistante du manque d'enseignants, après l'engagement de plus de 300 enseignants bénévoles avec le début de cette année scolaire en cours, l'administrateur communal de Rumonge dit qu'une enquête va être menée sur différentes écoles pour voir dans quelle mesure cette question pourrait être définitivement vidée. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Télécommunication à présent. Mettre en place un plan stratégique et faire un suivi d'un plan de développement du secteur de télécommunication. Voilà tout ce qu'il faut pour redynamiser ce secteur. Ce sont là les propos de l'expert en télécommunication au moment où le ministère en charge de la télécommunication est déploré la qualité des services offerts par ces compagnies de télécommunication. Nathan Nahondi précise aussi que mettre en avant le personnel qualifié dans ce domaine serait un atout. On l'écoute. Pour moi, il faut comprendre une chose. L'État doit disposer d'un plan stratégique de développement des TIC. Celui-ci, en fait, identifie la vision, la mission et les objectifs à atteindre. Et à cela s'ajoute aussi une identification préalable des partenaires clés. Le développement d'une feuille de route. Il faut développer une feuille de route. Il faut aussi un bon choix de pierres angulaires et les références qui ne trompent pas et qui vont nous servir de guide, qu'il faudra suivre. Mais aussi, il faut identifier les risques et la manière dont il faudra les traiter. Il faut ensuite penser à l'allocation des ressources humaines. Là, vraiment, j'insiste. Est-ce que le Burundi a une équipe soudée, capable vraiment de mener à bon port, de développer le secteur des télécommunications? C'est ça vraiment ce qu'il faut se poser comme une question vraiment cruciale pour qu'on puisse quitter de l'étape sur laquelle les Burundais sont aujourd'hui pour une autre étape dans le développement du secteur des télécommunications. Une équipe soudée et capable de développer le secteur des télécommunications est vraiment impréalable pour moi. Ensuite, il faut mettre en application. Si on a tout cela, ce que je viens de citer, il faut mettre en application le plan stratégique et faire une évaluation des résultats. Après, je dis cela parce que le Burundi a le minimum vraiment pour développer le secteur des télécommunications. J'ai parlé des organes, la réglementation, le régulateur, les infrastructures. Je crois que nous avons au Burundi le minimum vraiment de développer le secteur des télécommunications. Enfin, ce que je souligne ici, il faut vraiment revoir et comprendre. Personnellement, je crois que ici, le problème se situe au niveau de la gestion. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Page agriculture à présent, les cultivateurs commencent déjà à récolter le maïs en province de Bobanza, mais ils se heurtent au problème de manque de moyens de conservation. Les sacs PIC qui étaient auparavant achetés à la DPAE ne sont pas encore disponibles selon ces cultivateurs. Sylvestre Daïchimiye, directeur à la DPAE Bobanza, explique que ce genre de sacs ne sont pas encore disponibles, mais demande aux cultivateurs de s'en acheter au marché en attendant. Le détail avec Space Caritas Cabagnana. Le maïs est apparemment mûr sur différentes collines de la province de Bouanza et ceux qui ont semé dès les premières précipitations ont déjà récolté. Ils déplorent cependant le fait qu'il manque comment conserver les graines de maïs alors qu'auparavant, ils pouvaient acheter, et à moins cher, des sacs PIC à la DPAE, des sacs destinés à une bonne conservation des graines. Actuellement, ils disent qu'ils ont demandé auprès de cette direction, mais qu'ils n'ont pas pu obtenir ces sacs. Les cultivateurs contactés sur la colline Rubira, en commune Manda, craignent la détérioration de leurs récoltes, puisqu'ils ont utilisé d'autres types de sacs formés comme des sachets, ce qui est également confirmé par le chef de colline Rubira qui précise qu'il reçoit toujours les doléances de ses cultivateurs et qu'il ne fait que donner rapport à ses supérieurs. Sylvestre Daïchimiye, directeur à la DPAE Mubanza, explique que les sacs épiques destinés à une bonne conservation de ces graines de maïs ne sont pas encore disponibles. Il appelle les cultivateurs à les acheter dans certains marchés de Bujumbura en attendant. Le directeur à la DPAE Mubanza ajoute que certains partenaires comme le Bureau diocésain pour le développement ont déjà commencé à fournir des dispositifs comme des sirops pour une bonne conservation des graines, même si une bonne partie des cultivateurs n'est pas encore servie, comme il l'a dit. De Bubanza, capé sur Makamba pour parler environnement, plus de 1300 hectares ont été ravagés par les feux de brousse dans la province Makamba au cours de l'année 2024. Cela constitue un des obstacles pour la croissance des plants forestiers, comme l'affirme le chef d'antenne de l'Office burundais pour la protection de l'environnement dans cette province. Parmi les suspects concernant le feu de brousse, l'on cite les éleveurs ce samedi lors de la présentation des réalisations de l'année 2024 et l'échange des vœux dans la province de Makamba. Le gouverneur de cette province a mis en garde quiconque sera attrapé avec son bétail dans l'espace incendié sera sanctionné conformément à la loi des détails avec les écouteurs. Selon le rapport présenté par le gouverneur de la province Makamba, Tantine Chutina Magara, à peu près 2 700 000 plants d'arbres et fruitiers et ceux compatibles avec les cultures ont été plantés au cours de l'année 2024. Cependant, certains de la population et des administratifs déplorent que ces arbres dont on parle sont introuvables pour le moment, là où ils ont été plantés. Parmi les causes de la non-croissance de ces arbres, le chef d'antenne de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Makamba, Joseph Niongabo, cite le manque de suivi, les termites qui ravagent les jeunes plants d'arbres, ainsi que l'effet de brousse. À propos de ce dernier, plus de 1300 hectares ont été détruits au cours de la 2024, indique-t-il. Tantine Chutina Magara, gouverneur de la province Makamba, fait savoir que les auteurs n'ont pas été identifiés. Néanmoins, les éleveurs sont parmi les suspects. Il leur met en garde que toute personne qui sera attrapée avec son bétail dans l'espace incendié sera sanctionnée et les appelle à la plantation des arbres pour leur bétail afin de faciliter la stabilisation permanente. Cela a été dit ce samedi lors des cérémonies de la présentation des réalisations de l'année 2024 et l'échange de vœux. Depuis Makamba, Élise Kwizera, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le jus appelé nutrition médicale est fabriqué à partir d'un mélange de différents fruits. Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, explique que grâce aux multiples vitamines et ses minéraux, ce jus prévient notre organisme de plusieurs maladies comme la maladie des os. Ce chercheur en nutrition précise que le jus est important pour les femmes enceintes car il leur protège de mettre au monde des enfants qui ont des problèmes dans leur santé. Quant aux personnes qui veulent maigrir, il est conseillé de prendre ce jus appelé nutrition médicale et chronique nutrition sur ce jus avec Jean-Marie Mayonk. Le jus appelé nutrition médicale est un jus fabriqué à partir d'un mélange de plusieurs fruits qui aide l'organisme à se prévenir de différentes maladies. Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, il nous parle de sa composition. C'est un jus mixte composé par beaucoup de fruits comme la pomme, comme corsol, comme les fraises, les raisins, la pastèque et aussi l'ananas. Ce jus très délicieux peut corriger beaucoup de problèmes, beaucoup d'éléments, beaucoup de vitamines et beaucoup de minéraux qui se trouvent dans ce jus, beaucoup de fibres végétales alimentaires, beaucoup d'éléments non nutritifs qu'on appelle les éléments phytochimiques qui se trouvent dans le jus, nutrition médicale qui va quand même nous aider à nous traiter contre beaucoup de maladies, à nous protéger contre beaucoup des effets néfastes des médicaments que nous avons avalés. Ce chercheur nutritionniste dit que ce jus est important pour les femmes enceintes car il aide les mamans en couche à ne pas mettre au monde des enfants qui ont des problèmes. C'est un bon produit pour la femme enceinte, grâce aux vitamines du groupe B, c'est-à-dire B9, et qu'il contient en abondance. Ce produit diminue le niveau du triglycéride dans le sang. Il donne aussi l'effet minceur, c'est-à-dire c'est un bon produit pour beaucoup de personnes qui veulent maigrir sans problème ou bien ça causer beaucoup de problèmes. C'est un bon produit et qu'il faut faire écho. Jean-Paul Winéza signale également que ce jus appelé nutrition médicale aide les personnes qui veulent perdre du poids. Ce produit donne l'effet minceur. Ce produit aussi peut être utilisé en cas d'aphrodisiaque naturel, c'est-à-dire pour des femmes et des hommes. Corriger les problèmes d'ili, ça peut corriger l'impuissance sexuelle comme ça. Il stimule aussi la circulation sanguine et aussi améliore la vie pour les problèmes de la vision. Quant à sa préparation, il conseille à toute personne d'utiliser la machine qui fait un mélange de fruits et après il faut le mettre dans un frigo afin de garder sa saveur. Voilà, c'est sur cette chronique nutrition que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kouguimana pour sa parfaite collaboration technique. Bonne journée dominicale et bonne suite des émissions sur les ondes de la radio Sanganiro.